19. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les loulous, c'est un jour spécial ? Oui. C'est quoi aujourd'hui ? Mon anniversaire. C'est ton anniversaire ? Oui. Et comment t'as fait pour fêter ton anniversaire aujourd'hui ? T'as vu du monde ? Non. T'as pas vu de monde du tout ? Non. Tu les as vus où, les gens ? Sur Skype. Sur Skype, on a fait un anniversaire sur Skype. On a vu les gens par Internet, parce qu'on pouvait pas faire autrement. Ouais. Et puis... Mais Skype, c'est mieux, parce que on peut se voir, et si on téléphone normalement, on peut pas se voir. D'accord. Mais t'as eu une livraison de cadeaux, je crois, quand même. Qui est-ce qui a livré des cadeaux devant la maison ? Nanou, elle a livré des cadeaux devant la maison. Ça, et, c'est cool, hein. Et puis, quelquefois, il y avait le monstre des cadeaux qui est passé lui donner des cadeaux. C'est un monstre gentil, ça, le monstre des cadeaux. Bon, alors, je crois qu'on a une surprise aujourd'hui. Alors, comme c'est une surprise, on va peut-être pas dire qui est-ce qu'on a interviewé. Ouais ? On a une interview aujourd'hui ? Non. On n'a pas d'interview à passer ? Si, l'interview de la surprise, oui. On l'écoute ? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour Renan. Bonjour Eddy. Comment ça va? Bah ça va. Bonjour Renan. Alors si... Bonjour Lou. Alors tu m'appelles pour l'interview, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu sais que là, t'es en train de t'enregistrer dans le micro. Ah, d'accord. Faut pas que je dise de bêtises alors. Alors, tu t'es réveillé à quelle heure ce matin? Oh bah ce matin je me suis réveillé à 9h30. Oh bah d'accord. Aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien des fois. Oui, de se reposer un petit peu. Mais sinon, d'habitude, je me réveille à 7h. Oh bah d'accord. Et toi? Bah, ce matin, je sais pas à quelle heure je me suis réveillée. Oh, tu t'es réveillé comme toute la semaine, hein? Tu te lèves à 7h tous les jours, toi, pareil? Non, je me suis levée à 6h du matin. Ah bon? Mais là, on est en week-end, donc on n'a rien à faire. Bah oui, c'est pour ça que moi je me suis levé un peu plus tard. Mais sinon, le reste de la semaine, oui, je me lève tôt, comme ça je prépare le travail pour mes enfants, et puis après, à 9h, on peut commencer la classe. Ça va bien ? Bah oui, ça va. Ça va bien. Et toi ? Bah ouais, ça va. Est-ce que te manque l'école ? Bah un petit peu, oui, c'est vrai. Mais en fait, j'y suis allé quand même hier. Parce que il fallait que je donne des choses à des enfants. Parce qu'en fait, il y a des... Enfin, comment t'expliquer ? Il y a des enfants qui n'ont pas le matériel nécessaire pour travailler à la maison. Donc, à l'école, on a décidé qu'on allait leur en prêter. Des ordinateurs, des choses comme ça. Ouais. Donc, hier, je suis allé à l'école pour donner un ordinateur à une maman. Ah ouais ! C'est gentil, ça. Bah ouais. Bah, en fait, c'est pas nous qui avons décidé, c'est la mairie, parce que les ordinateurs, ils appartiennent à la mairie. Ah. Bah, moi, j'aime pas trop l'écriture le matin. Ça me... Ah oui, c'est fatigant, hein. T'entraîner, parce que sinon, si tu t'entraînes pas, tu écriras toujours mal comme le maître. Le maître, il écrit pas très bien, c'est parce qu'en CP, il écoutait pas trop sa maîtresse. C'est pas vrai, Renan, t'écris très bien. Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que toi tu fais pendant le confinement ? Bah, le week-end, je joue. Là, on est en train de faire des Legos. Ouais. Et puis dimanche, c'est l'anniversaire de Lou. Ah, demain ? Ouais, 4 ans et elle va avoir. Et ouais, ça va faire beaucoup, hein ? Ah bon ? Ouais. Eh bien justement, j'étais en train de regarder sur Internet des idées parce que moi, c'est bientôt l'anniversaire de ma maman et je peux pas lui donner de cadeau, alors je sais pas trop comment faire. Et je pense qu'on fera quand même une petite fête d'anniversaire, mais à distance. Oui, on fait sur Messenger. Messenger, ça marche bien aussi. Alors, t'as fait quoi de beau, toi ? Cette semaine ? Oh, ben, tu sais, je passe beaucoup de temps à... Parce que je reçois beaucoup de messages de des parents. Il faut que j'y réponde. Je reçois aussi beaucoup de messages des autres maîtres et maîtresses parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un tas de choses qui sont à régler pour organiser l'école et la classe. Et donc ça me prend beaucoup de temps, ça. Des fois, maman, elle reçoit 36 messages d'un coup. Ah, maman, elle a un peu le même métier que Ronan, donc elle connaît un peu la situation aussi, c'est ça ? Ouais. Oui, ben oui. Et puis sinon, après, ben, le soir, en fait, souvent mes enfants, ils veulent qu'on aille jouer au foot. Donc quand j'ai fini tout mon travail, ben, on va jouer au foot dehors. Bah, nous, des fois, dans l'après-midi, s'il fait chaud, on goûte dehors et puis on fait du vélo dehors. Ah ouais ? Aujourd'hui, je pense que tu vas pouvoir parce qu'il fait beau. Bon, et dis, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préfères l'école à la maison ou l'école après école ? L'école à l'école. Ah. Et pourquoi ? Parce que c'est plus facile et à la maison c'est plus dur. Ah bon ? Pourquoi c'est plus dur à la maison ? Parce que papa et maman. Déjà, des exercices faciles que tu me donnes, eh ben, ils les transforment en dur. Ah oui. Bon. En plus, j'imagine qu'ils sont à côté de toi quand tu fais le travail, donc ils voient tout de suite si tu traînes des pieds ou si tu fais pas trop bien le travail. Alors que moi, quand c'est à l'école, des fois, je le vois seulement le soir quand je corrige le cahier. C'est pas pareil. Et toi, Lou, tu préfères l'école à la maison ou l'école à l'école ? Les deux ! Les deux ? T'aimes bien les deux ? J'aime les deux ! Est-ce que toi, tu aimes être chez toi ou à l'école ? Je dirais qu'il y a des avantages. Enfin, j'aimerais bien être à l'école, c'est vrai. Parce que quand même, on peut sortir de la maison, on peut voir les élèves, on peut voir les collègues, ouais, etc. Mais d'un autre côté, ça a quand même des bons avantages d'être à la maison parce que il y a des choses que j'ai pu faire à la maison et que j'ai pas forcément le temps de faire quand on n'est pas confiné ou que je prends pas forcément le temps de faire. Comme, je sais pas, par exemple, jouer avec les enfants, faire de la cuisine avec eux, des choses comme ça. Oui. Il y a des choses, en fait, que pendant le confinement, on a le temps de faire et qu'on n'aurait pas forcément eu le temps si on n'était pas confiné à la maison. T'es d'accord avec ça ou pas ? Ouais. Tu le vis comme ça aussi ? Il y a des choses que t'as fait alors que t'avais jamais fait avant, le confinement ? Oui. Le module 16. Oui, c'est vrai que tu l'avais jamais fait avec papa et maman. Le module 15. Ouais, on est des parents tortionnaires en fait. Hein. On les fait bosser toute la journée et il faut absolument qu'ils soient médecins. Tu sais, j'ai invité tout le monde à mon anniversaire. Ah, là, ah bon ? Mais par ouais. Visio alors ? Par internet. Ah d'accord. Bon, et tu penses qu'ils vont pouvoir venir ? Ouais. Non, ils vont mais quand leur a plus le coronavirus, hein. Tu veux leur dire bonjour à tes élèves ? Ah bah évidemment, oui, je leur passe parce le que... bonjour et puis j'espère qu'ils vont bien quand même. Parce qu'ils écoutent le podcast. Ah bah oui, ouais. Alors il y en a de qui j'ai des nouvelles parce qu'ils m'envoient parfois leur travail ou comme ça. Mais il y en a d'autres que, pour lesquels j'ai pas trop eu de nouvelles, donc j'aimerais bien leur passer le bonjour. Eh bah, maman, elle a failli t'envoyer le travail avec la bac parce qu'elle savait pas. Ah oui. Mais à un moment, elle a... expliqué. Mais à un moment, elle a compris quand je lui expliquais. Non, ils savent pas trop avec les abacs. Ils ont peut-être pas trop travaillé comme ça quand ils étaient petits ou alors ils s'en rappellent plus. Nous, comme on s'est bien entraîné sur les abacs, tu as pu lui expliquer, je pense. Tu veux dire quelque chose ? Je crois qu'il y avait Soledad qui voulait parler à Lou. Ah, parfait. Soledad, est-ce que tu veux parler à Lou ? Lou, écoute. Alors, je la passe. Pose tes Lego, c'est ta copine. Tu me repasses le téléphone après. Je l'ai dad. Allô. Ça va? Oui. Tu fais quoi? Je suis en train de faire un jeu avec maman. Tu vas bien? Oui. Tu préfères être à la maison ou à l'école? Je vais travailler à la maison. À ta maîtresse et à tes copains? Allô? Oui. Bon, elle a lâché le téléphone. Au revoir, Renan. Au revoir, Renan. Au revoir, Lou et Ellie. À bientôt. Le plus vite possible. À bientôt. Oui, à bientôt. Oui, le plus vite possible quand le coronavirus sera parti. Hein. On a oublié de demander à Renan s'il s'en était sorti avec la carpe métrivore. Ah zut, mais j'ai bien l'impression que si, hein, sinon il n'aurait pas pu nous répondre. Bah oui. Ouais. Bon, elle était sympa cette interview? Ouais. Ouais, c'était une bonne surprise ça. Hein. Ouais. Si vous voulez, Marie et Sophie, vous pouvez le faire, hein, le podcast. Ah bah très bien, les maîtresses de la classe de Lou. Oui. Puis on laisse les copains appeler s'ils veulent pour les interviews. Estelle, s'il veut. Aussi. Bon, c'est fini pour aujourd'hui? Oui. Oui. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bon anniversaire si c'est votre anniversaire. Et à demain. Et à demain pour l'épisode 20.